Unité 10. Leçon 3, pages 120-121. Denise se lève. Elle va jusqu'à la fenêtre, prend un des rideaux et soigneusement le déchire. Il était déjà déchiré d'ailleurs, en minces bandelettes de bas en haut. Mais Denise reprend une à une chacune de ces bandelettes et les déchire encore. Elle a une curieuse expression à ce moment-là, au moment précis où la déchirure commence. Une expression aiguë, de plaisir méchant, une expression qui passe très vite, qui s'éteint, pour reprendre à la déchirure suivante. C'est chaque fois sur son visage comme la précaire lueur d'un phare lointain. Elle s'arrête de déchirer. Elle se retourne lentement, regarde la chambre. Félicien Marceau. Gervaise haussait le menton, examinait la façade. Sur la rue, la maison avait 5 étages, alignant chacun à la file 15 fenêtres, dont les persiennes noires, aux lames cassées, donnaient un air de ruine à cet immense pan de muraille. En bas, 4 boutiques occupaient le rez-de-chaussée. À droite de la porte, une vaste salle de gargotes graisseuses. À gauche, un charbonnier, un mercier et une marchande de parapluies. La maison paraissait d'autant plus colossale qu'elle s'élevait entre 2 petites constructions basses, chétives, collées contre elles. Émile Zola. Vous êtes à la campagne. Il pleut, il faut tuer le temps, vous prenez un livre. Le premier livre venu, vous vous mettez à lire ce livre, pensant à autre chose, distrait, un peu bâillant. Tout à coup, vous vous sentez saisi, votre pensée semble ne plus être à vous. Vous n'êtes plus maître de vous lever et de vous en aller. Quelqu'un vous tient. Qui donc ? Ce livre. Un livre est quelqu'un. Ne vous y fiez pas. Un livre est un engrenage. Prenez garde à ces lignes noires sur du papier blanc. Ce sont des forces. Elles se combinent, se composent, se décomposent, entrent l'une dans l'autre, se dévident, se nouent, s'accouplent, travaillent. Telle ligne mord, telle ligne serre et presse. Telle ligne entraîne, telle ligne subjugue. Les idées sont un rouage. Vous vous sentez tiré par le livre. Il ne vous lâchera qu'après avoir donné une façon à votre esprit. Victor Hugo.